Venons à ce que tu voulais me dire, Bourguignon. Tu te plaignais de moi quand tu es entré. De quoi était-il question ? De rien, d'une bagatelle. J'avais envie de te voir, et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte. Que dire à cela ? Quand je m'en fâcherais, il n'en serait ni plus ni moins. Ta maîtresse, en partant, a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Elle se l'imagine, et si elle t'en parle encore, tu peux le nier hardiment. Je me charge du reste. Eh, ce n'est pas cela qui m'occupe, Lisette. Si tu n'avais que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble. Laisse-moi du moins le plaisir de te voir. Le beau motif qu'il me fournit là, j'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles, tu as raison. Je ne sais ce que je dis, ni ce que je demande. Adieu. Adieu, tu prends le bon parti. Mais, à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, m'as-tu dit ? Cela est-il sérieux ? Pour moi, il faut que je parte, ou que la tête me tourne. Je ne t'arrêterai pas pour cette réponse-là, par exemple. Et je n'ai fait qu'une faute, Lisette. C'est de n'être pas parti dès que je t'ai vue. J'ai besoin à tout moment d'oublier que je l'écoute. Si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Oh, il n'est pas si curieux à savoir que le mien, je t'en assure. Que peux-tu me reprocher ? Je ne me propose pas de te rendre sensible, Lisette. Il ne faudrait pas s'y fier. Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer ? Hélas, quand même je posséderais ton cœur, que le ciel m'en préserve. Quand tu le posséderais, Bourguignon, tu ne le saurais pas. Et je ferai si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idylle lui vient là ? Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras ? Sans difficulté. Sans difficulté ? Lisette, qu'ai-je donc de si affreux ? Rien. Ce n'est pas là ce qui te nuit. Eh bien, chère Lisette, dis-le-moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Oh, je te l'ai assez dit. Tâche de me croire. Il faut que je le croie. Désespère une passion dangereuse. Sauve-moi des effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi. Donne-moi du secours contre moi-même. Il m'est nécessaire. Je te le demande à genoux, Lisette. Ah, nous y voilà. Il ne manque plus que cette façon-là, mon aventure. Que je suis malheureuse. C'est ma facilité qui le place là. Lève-toi donc, Bourguignon, je t'en conjure. Il peut venir quelqu'un. Je dirai ce qu'il te plaira. Que me veux-tu ? Je ne te hais point. Lève-toi. Je t'aimerais, si je pouvais. Tu ne me déplais point. Cela doit te suffire. Quoi, Lisette ? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. Tu ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Volontiers, mais lève-toi. Tu parais le dire sérieusement. Et si cela est, ma raison est perdue. Je dis ce que tu veux, et tu ne te lèves point.